Mario Kart revient, c'est sur GameCube. Bien plus génial et mieux qu'avant. À deux par carte et sur l'asphalte. Un max de fun et de peau de banane. À zéro mêle turbo et fonce droit devant. Pas de temps à perdre si tu veux pas finir perdant. Compte tout sur les champignons et sur les carapaces. Détruis tous tes ennemis comme un vorace. C'est Mario Kart, Mario Kart au passage. Mario Kart avec un double dash, double dash. Allez, allez, allez. Donkey Kong et puis aussi Diddy, Waluigi, sans oublier Daddy. Let's go. Bingo. La vie c'est comme une compétition, une piste de course ou être champion. Y a plein d'objets sur le parquet. À toi de savoir les maîtriser. Les Mario jettent du feu, les Bowser entrent en jeu. Leur carapace fait plus de 2 mètres de haut. C'est pas de l'anti-jeu, c'est de la triche au mieux. La route c'est un vrai champ de bataille, plein de beaux bananes et de carapaces. Mario Kart avec un double day, double dash. Allez, allez, allez. Peach Koopa, il y a aussi Wario, Yoshi, Birdo et les Baby Mario. Le dernier tour, la dernière chance, dernier espoir, dernière espérance. Pour être premier, il faut foncer. Pour remporter le gros trophée, c'est sur Emerald que tout va se jouer. Un turbo, un booster, une étoile, un dérapage. Poursuis tes ennemis avec la plus grande rage et affronte tout le monde dans un gros carnage. Signé Nintendo et Miyamoto. Mario Kart avec un double day, double dash. Allez, allez, allez. Paratrooper, Tortue et Ninja, le roi Boo et une plante piranha. Un éclair et le bonus Zelda. Option cachée, les joueurs à trouver. La flèche de Peach, le paquebot de Daisy, Bowser Castle et le circuit Luigi. I'm Luigi, number one.